بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع كتاب شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه، في مقدمته حيث وقفنا عند قوله حفظه الله، قال البرقاوي في حاشية صفحة 15 من كتابه المذكور، وهذا يذكرني أيضا بصنيع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، عندما أخذ يناقش الأستاذ المودودي رحمه الله تعالى في أهمية قضية الإمامة والخلافة والحكم بما أنزل الله، حيث استشهد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في قضية الإمامة عند الرافضة، فسرد 6 صفحات من الصفحة 108 وما بعدها من نقاش شيخ الإسلام مع بعض هؤلاء الرافضة، ومعلومة الفوارق الكثيرة والبعيدة بين عقيدة الرافضة في الإمامة وعصمة الأئمة والاثني عشر إماما وغير ذلك، وبين ما ينادي به المودودي وغيره من ضرورة وأهمية العمل وبذل الجهد لإعادة تحكيم شرع الله بالخلافة ونصب إمام قوام على أهل الإسلام، وإن كان في كلام شيخ الإسلام شيء مما يناسب ذلك المقام، ولكن أكثره إذا دقق فيه المنصف لا يناسبه، بل هو منصب على قضية الإمامة عند الرافضة بتفاصيلها المعروفة، فما كان له أن يسرده كله خشية التلبيس. Donc nous sommes frères en Allah Azza wa Jal pour ce 8e cours, toujours dans la 2e introduction du Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala pour son livre La méthodologie de la da'wa des prophètes alayhi salatu wasalam, il y a dedans la sagesse et la raison. Et là, il va commencer à répliquer et à nous montrer que le Barqawi alias le Maqdisi n'était pas honnête dans la critique qu'il a émise contre l'écrit de Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. Et il dit, le Barqawi a dit, c'est-à-dire le Maqdisi, à la page 15 de son livre, vous vous rappelez, qui est mis à l'Ihtidal, dans lequel il répliquait à l'Hafid Abdullah Douish, qui a écrit un livre montrant les erreurs de Sayyid Qutb dans son interprétation du Coran. Donc le Barqawi, au bas de la page 15 de son livre, il dit, ça me rappelle, et c'est là où il va attaquer Cheikh Rabi'a. Et ça me rappelle aussi ce qu'a fait Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, dans son livre, La voie de Da'wa d'Yal Anbiya, dont il y a la sagesse et la raison de la voie, dont la voie de la da'wa du prophète alayhi salatu wasalam, quand Cheikh Rabi' a commencé à débattre avec le professeur Maududi, رحمه الله sur l'importance de la imama et de la khilafa et du fait de juger avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Puisque Cheikh Rabi, hein, a pris comme témoignage les paroles de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah en ce qui concerne l'imama Cheikh Rafida, et il a cité 6 pages dans son livre Manhaj al-Anbiya de la page 108 à ceux qui suivent. 6 pages où Ibn Taymiyyah débat avec certains, une tête parmi la tête d'Al-Rawafid. Et le Barqawi, il dit, il est connu qu'il y a une grande différence entre l'aqida d'Al-Rawafida dans l'imama et dans le fait qu'ils croient que leurs imams sont épargnés de l'erreur et surtout leur croyance vis-à-vis du 12 imams. Hein? Et entre eux, la chose vers laquelle appelle Maududi et autres, qui est le fait, l'obligation et le fait de s'occuper et de mettre tout en œuvre pour ramener la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et la khalifa et faire, hein, et ramener un imam qui gouverne tous les gens de l'islam. Et il dit, toujours dans les paroles d'Al-Barqawi, il dit même si dans la parole de Cheikh l'Islam, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Mais il dit, quand on est minutieux et qu'on regarde avec équité, on voit que ces citations qu'a fait Cheikh Rabi en prenant les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah vont directement sur le sujet de l'imam Cheikh Rafida dans son état, dans ses détails connus. Et il dit que Cheikh Rabi n'avait pas le droit de faire toutes ces citations par peur de déguiser les situations. Et maintenant, écoutez la réplique de Cheikh Rabi, Hafidhahullah Ta'ala, à ce passage. Wa huna al-jawab li Cheikh Rabi, Hafidhahullah Ta'ala. Yaqulu Hafidhahullah Ta'ala wa matta'a bihi wa bi'ilmihi wa atala umurahu fi al-difa'i an hada al-manhaj alladhi irtadahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqul anna mizan al-Barqawi qad idtarab wa lam yahkum bil-'adl fi ma bayni wa bayna al-Mawdud. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, la balance du jugement d'Al-Barqawi alias al-Maqdisi a été perturbée. Il n'a pas jugé avec justice entre moi et le Maududi. Wa yaqulu Hafidhahullah wa la'allahu ghaba anhu qawlullah 'azza wa jall wa zinu bil-qistasil mustaqim. وقوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الشيخ ربيع de nous dire peut-être qu'il n'a pas l'esprit ou là que c'est absent de son esprit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a dit soyez équitables quand vous jugez, hein. Et dans l'autre verset, malheur al-mutaffifin, c'est-à-dire ceux quand ils pèsent la marchandise des gens, hein, ils font que ça, qu'ils aient plus de poids pour eux, que ce soit eux le gagnant. Et quand ils pèsent pour les gens pour leur vendre, ils diminuent de la valence. Est-ce que ceux-là ne croient pas qu'ils vont être ressuscités un jour énorme où ils vont, hein, se retrouver devant le souverain des mondes? ويقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يا أخ برقاوي أنا أناقش المودود في أهمية قضية الإمامة والخلافة والحكم بما أنزل الله وهذا إخوة الإسلام استفهام على سبيل الإنكار. Écoutez maintenant cette question que pose الشيخ ربيع qui est une question pour blâmer le fait que lui reproche le برقاوي. Il lui dit, oh frère Barqawi, Barqawi alias al-Maqdisi, moi, est-ce que moi je débat avec le Maududi sur l'importance de l'imama et de la khilafa et sur l'importance du fait de juger avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descendu? Fa Khwat al-Islam fi hada al-maqta yubayyin lana al-Sheikh Rabi' ويبين للمقدسي أنه لا يناقش المودودي في أهمية الإمامة، لأن هذا الأمر معلوم أهميته في الدين، ولا يجوز لمسلم مناقشة أهمية هذه المسائل لأنها مقررة في الدين. Dans ce passage, frère Allah Azza wa Jal, il faut retenir que Cheikh Rabi' il est en train d'éclairer le Maqdisi et de lui montrer qu'il n'est pas en train de débattre avec, qu'il n'a jamais débattu avec le Maududi sur l'importance du fait de gouverner avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'importance du pouvoir, car ceci est connu une obligation dans la religion. Il n'est pas permis à un musulman de débattre là-dessus, car ceci est confirmé dans la religion que le jugement doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا المقدس الغالي في التكفير الذي كان من قبل كما قلت لكم يكتب باسمه البرقاوي اسمه الحقيقي والآن يخرج رسائل في التكفير بهذا الاسم المستعار المقدسي يلبس على الناس يقول له الشيخ ربيع أنه ما يناقش مسلم في قضية الحكم بغير ما أنزل الله وما يناقش مسلم في قضية الإمامة والخلافة هذا فرض على الأمة أن تنصب إماما عليها لكن ما هو الذي ناقش الشيخ ربيع ناقشه الشيخ ربيع مع المودودي ها؟ ترون إخوة الإسلام التلبيس عند هؤلاء يلبسون ويأتون بكلام الأئمة للتلبيس كما يفعلون في مواقعهم أنصار التوحيد وغيرها التلبيس يأخذون كلام أئمة الإسلام ويلبسون به على الناس وعلى الشباب وفهم الله عز وجل سو مقدسي سو برقاوي أليس مقدسي كي تانيكستخيميس دون تكفير ها C'est une grande figure chez Salah et dans les salons d'El Tkfir. Avant, quand il écrivait ses livres, il écrivait, il les signait avec son nom, le Barqawi. Maintenant, il a pris ce pseudo, comme je vous l'ai dit, le Maqdisi, pour déguiser les situations sur les gens. Cheikh Rabi' lui dit, moi, est-ce que il s'y est un musulman de débattre sur le sujet du fait de ne pas juger avec les droits? Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ou de juger sur le problème de la sur le sujet de la de débattre sur le sujet de la khilafa car la khilafa l'imama le fait de gouverner avec les lois de Allah subhanahu wa ta'ala c'est une obligation pour la communauté et la communauté doit avoir à sa tête quelqu'un qui accomplit ses sentences et ses lois de Allah subhanahu wa ta'ala mais la question qui se pose c'est quoi sur quoi Cheikh Rabi a débattu avec le Maududi. Voyez la situation comment il est. La situation et ces gens comme le Maqdisi et autres ramènent des paroles dans de sciences de Cheikh l'Islam et de ceci et cela pour déguiser les situations. Et souvent ils ne mettent pas le point sur le point de divergence. Ils déguisent la situation pour qu'il soit à leur avantage. Et ils ne sont pas équitables dans ces cas-là. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى إن هذه القضايا لا يناقش في أهميتها مؤمن شم رائحة الإيمان لقد عجزت أيها الأخ عن تحرير موضع الخلاف بيني وبين المودود الشيخ ربيع de lui dire dans ce passage ces sujets qui sont le fait de juger avec la loi d'Allah qui sont le khilafa et l'imama aucun musulman qui a goûté la foi ne discute de ce sujet et de l'importance de ces sujets. Il lui dit, frère Barqawi, tu étais incapable de mettre le point sur le sujet de divergence entre moi et le Maududi. فيقول له الشيخ ربيع حفظه الله أنا ناقشت المودود في غلوه في الإمامة إلى درجة لا يسع مسلما يحترم الإسلام أن يسكت على هذا الغلو وإلى درجة لم يحتملها الخرافيون فضلا عن أهل الحديث والسلفيين. الشيخ ربيع de dire al Maqdisi, moi j'ai débattu avec le Maududi sur son extrémisme dans l'imama. Il est allé à une extrême très loin. Hein? Et cette extrémité où il est allé de l'imama au niveau de l'imama n'est pas permis à un musulman qui respecte l'islam de se taire sur cette position extrême. Et il est arrivé à un degré où même ceux qui croient les histoires à dormir debout n'acceptent pas. Encore moins. Et ne se tairont pas encore moins. Et encore moins, les gens du hadith et les salafis vont se taire sur cette position extrême vers laquelle est allé le Maududi en ce qui concerne l'imam. Et chers frères, Allah Azza wa Jal, que le fait que tu entends le Maududi, etc., ne dit pas que ça ne te concerne pas. J'ai eu dans les mains, il y a quelques années, un livre qui a été édité en français par l'UEF. Et ce livre, il est du Maududi traduit en français, ça s'appelle « Comprendre l'islam ». Et tu vas comprendre ce que fait le Maududi des piliers de l'islam, qu'est-ce que ça veut dire les piliers de l'islam chez le Maududi. Ça nous concerne, frère en Allah Azza wa Jal. وقد تصدى للرد عليه الكثير والكثير من علماء بلاده من السلفيين وغيرهم ولقد سرى غلوه هذا وامتد إلى كثير من البلاد العربية والإسلامية وخدع به كثرة ساحقة من الكتاب والشباب مما أدى إلى ضياع عقيدة التوحيد بل إلى الاستهانة بها وبأهلها وأدى إلى الاستهانة بالشرك والبدع مما دفع المودود وأمثاله إلى موالاة وتولي أهل القبور بل والروافض وحشدهم تحت رايتهم ومؤاخاتهم ومحبتهم والذب عنهم وعن عقائدهم وهو أمر واقع واضح لكل ذي عقل ودين. فإن الله عز وجل الشيخ de continuer de nous dire que beaucoup se sont élevés pour répliquer Al-Maududi. Parmi les hommes de science dans différents pays aussi, parmi les hommes de science salafi de son pays, le Pakistan et l'Inde. Et cette position extrême sur l'imama, dans les livres d'Al-Maududi, s'est propagée dans beaucoup de pays arabes et musulmans. Et beaucoup de jeunes et d'écrivains se sont fait avoir, et notamment Sayyid Qutb, se sont fait avoir par les écrits sur l'imam Adial al-Maududi. Ce qui a fait perdre, et pousser à la négligence du dogme du monothéisme, et de ne pas donner l'importance, pousser certains à ne pas donner l'importance au monothéisme, et aux gens du monothéisme, et qui a aussi fait en sorte que les gens ne donne plus d'importance à blâmer l'associationnisme ni les innovations. Et ce qui a poussé le Maududi et ceux qui sont sur la même lignée que lui de s'allier avec les gens qui adorent les tombes et avec Rafida et de les avoir dans leur groupe et sur leur bannière et d'être des frères à eux et de les aimer et de les défendre et de défendre leurs croyances. Et ça, c'est une réalité qui est claire. Comme le soleil en plein zénith. Et c'est une réalité qui éclaire à tout un chacun qui est doué d'oraison, qui a une religion. ولما وصل الامر الى هذا الحد المخيف رددت على المودود بعد غلوه تبصيرا للناس عامة ولأهل الجزيرة العربية التي ركز عليها أتباع المودود وأنصارهم فسحقوا عقيدة التوحيد وعقيدة الولاء والبراء. Et Cheikh Rabi' de nous dire, quand la situation était arrivée à un point qu'on ne peut plus supporter, un point qui fait peur, j'ai répliqué à Al-Maududi sur son extrême pour éclairer les gens en général et les habitants de la péninsule arabique en particulier, parce que le Maududi, ses disciples et son groupe, et leurs disciples et leurs alliés, ont mis tous leurs efforts pour écraser le dogme du monothéisme et le dogme de l'alliance et du désaveu dans cette région du monde. ويقول الشيخ ربيع للبرقاوي هذا: أترى هذا كثيرا في الرد على المودود حتى ذهبت تدافع بالباطل وتنسى ميزانك المعتدل فتحمل كلامي ما لم أقله وما لم يحتمل. Et voici une question que pose Cheikh Rabi al-Barqawi. Il dit que ça, ma réplique que j'ai fait, tu la vois grande? Cette réplique que j'ai faite à le maudit, tu la vois grande? Pour que tu ailles défendre avec le faux et défendre le faux. Et tu oublies ta balance de la justice. Et tu fais porter à mes paroles et tu leur donnes des significations que je n'ai pas dites. Tu leur donnes des sens qui ne sont pas. فيقول له الشيخ ربيع حفظه الله: استمع إلى المودود يقول. Écoutez maintenant, frère en Allah Azza wa Jal, pour savoir d'où vient les catastrophes dont jalons sur la route de Sayyid Qutb, et d'où vient les catastrophes si certains jeunes maintenant qui te disent les piliers de l'islam ce n'est qu'un moyen. Et ceci vient de ce genre de livre. Jalons sur la route et comprendre, jalons sur la route de Sayyid Qutb a été traduit par l'EF. Il y a quelques années en arrière, j'avais une copie signée avec le sigle de l'EF. Ainsi que comprendre l'islam du Maududi, la même chose. Je les ai eu dans les mêmes, la même année. Enfin, écoutez maintenant les paroles du Maududi. Il dit le Maududi, « Inna mas'alat al-qiyada والزعامه انما هي مساله المسائل في الحياه الانسانيه واصل اصولها. فانظر الى هذه المقوله للمودودي. ان مساله يكوت مانتنون سيت بارول دو المودودي. Le sujet le plus important, c'est le commandement et le fait d'être devant et de prendre le pouvoir. Ça, c'est le sujet le plus important dans la vie de l'humanité et c'est la base des bases de la vie de l'humanité. Vous croyez en ça, vous? Ça, c'est la parole d'El Maudoudi dans ses livres. Et regardez comment cette parole est en divergence avec la voix du prophète alayhi salatu wasalam qui appelle vers le monothéisme et qui ont fait que le monothéisme soit la base des bases dans toute la vie. Alors que le Maudoudi, on fait que le gouvernorat et prendre le pouvoir et commander, c'est la base des bases dans la vie de l'humanité. فهذا الذي ناقش الشيخ ربيع المودودي فيه ما رأيكم هذا الكلام إن مسألة القيادة والزعامة هي مسألة المسائل فهذا كلام من إخوة الإسلام إنه كلام الروافض إخوة الإسلام. Donc c'est là le point de départ et là où a discuté Cheikh Rabi avec le Maudoudi, c'est quand il a dit dans ses livres, le sujet du commandement et du gouvernorat, c'est le sujet le plus important et la base des bases dans la vie de l'humanité. Et ça, barakallahu fikoum, c'est la parole de qui? C'est la parole d'Al-Rawafid. فأين التوحيد في كلام المودودي الذي من أجله خلق الله الإنس والجن والذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب الإمامة والزعامة والرياسة هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها فهذا غلو وهذا طبعا مردود وغير مقبول. فأنا الله عز وجل ولي المونوتيزم دون لي باول ديال المودودي ولي المونوتيزم pour lequel ont été créés les humains et les génies. Où est le monothéisme dans les paroles d'El Maudoudi pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a descendu les livres et a envoyé les messagers alayhi salatu wasalam? Est-ce que l'imama et le gouvernera et le khilafa, c'est le sujet le plus important dans la vie de l'humanité et c'est la base des bases? Et ça, c'est un extrémisme. C'est un point extrême en ce qui concerne le gouvernorat. Et ça, naturellement, est rejetable. Il n'est pas accepté. Est-ce que ce qu'a dit le Maudoudi, c'est le but de la religion, frère en Allah, Azza wa Jal? فَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ مَرْفُوضٌ وَهُوَ كَلَامٌ رَوَافِضٌ وَغَايَةُ الدِّينِ الْحَقِيقِيَةِ أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل جاء في الآية أيها الإخوة إلا ليقيموا الإمامة أو ليقيموا الخلافة أو ليقيموا الدولة أو ليقيموا السلطة؟ والدولة والسلطة كما مر معنا ما هي إلا وسيلة لإقامة الدين. وجعل هذا الرجل ومن نحى نحوه الغاية وأصل الأصول ومسألة المسائل. فإن الله عز وجل سكيلا دي المودود دون سو باساج كنو سيد شيخ ربيع سو لبيت دو لا غوليجيون إيفيدامون فخي أون الله عز وجل سا سيت اون بارول que nous devons refuser, et c'est une parole nulle et non avenante, c'est la parole des Rawafid. Et le but réel de la religion, c'est d'accomplir la religion pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour que les gens sortent des ténèbres vers la lumière et de l'associationnisme vers le monothéisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit: je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. Est-ce que dans le verset, frère en Allah, Zawajal, il a dit, pour qu'ils constituent un état, ou pour qu'ils ouvrent pour le khilafa, ou pour qu'ils aient le pouvoir, loin de là, pour qu'ils m'adorent, pour qu'ils réservent le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons dit auparavant, l'état, le pouvoir, ce n'est qu'un moyen pour accomplir la religion. Et cet homme, qui est le Maududi, et ceux qui suivent son cheminement, ont fait de ce moyen un but en soi. Ils ont fait que ce soit la base des bases et le pilier principal dans la vie de l'humanité. وهنا يقول الشيخ ربيع يطالب الشيخ ربيع البرقاوي أن يدافع عن المودود في هذا عن هذا الكلام. يقول له حفظه الله تعالى ومتع به: فانظر كيف ننتفع نحن بالنقاش العلمي الهادئ المدعم بالدليل. يقول له: ودافع عنه بنصوص واضحة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة وأئمة الإسلام. Maintenant, frère en Allah, Azza wa Jal, regardez ce noble comportement. Quand les hommes de science, quand ceux qui suivent la voie de leur puiseur, ils demandent à Al-Barqawi maintenant de défendre le Maududi, mais de le défendre comme il se doit avec les textes, avec des textes clairs. Il lui dit: défends-le maintenant. Défends-le si tu le veux avec des textes clairs de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam et de la parole des compagnons et des imams de l'islam. Et nous, évidemment, on apprend beaucoup de choses dans le débat des hommes de science. Parce que c'est un débat qui est basé sur la preuve et sur la parole d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam. Wa yaqulu lahu al-shaykh fa in lam tajid فيجب أن تعيد ميزانك للقيام بمهمة العدل والإنصاف والاعتدال وترك الغلو الذي أدى بالمودود وأتباعه إلى الاستهانة بدعوة الأنبياء والغاية من دعوتهم وقلب الأمور في ذلك رأسا على عقب. الشيخ ربيع de lui dire: si tu ne trouves pas de preuve, il faut que tu révises, ta balance. Tu t'es donné la position de juger et d'être équitable, tu dois revoir ta balance avec laquelle tu juges et te revoir ta justice et laisser l'extrémisme qui a amené le Maududi et ses disciples à négliger et à ne pas donner l'importance à la da'wah des prophètes et au but de leur da'wah. Et ils ont renversé les situations, ils ont fait que la tête soit le pied et le pied soit la tête. ويقول له حفظه الله أي يقول للبرقاوي واستمع إليه يقول أي المودودي وهذه فرية ثانية لهذا الرجل أي للمودودي إن غاية الدين الحقيقي إقامة نظام الإمام لإمامة الصالحة الراشدة. Écoutez maintenant, et Cheikh Rabi' de rappeler à Al-Barqawi, écoute les points sur lesquels je discute, je débat et je réplique à Al-Maududi. Écoute ce que dit Al-Maududi. Et regardez, vous allez entendre ce grand mensonge de cet homme qui est Al-Maududi. Il dit: le but de la religion réelle, c'est d'accomplir un pouvoir, une imama, une bonne imama bien orientée. Subhanallah. C'est ça ce que vous comprenez, vous, de la religion? Est-ce que vous comprenez la même chose que le Maududi? Ce sont ces points-là sur lesquels Cheikh Rabi' débat avec le Maududi. Il réplique le Maududi. et non pas sur l'importance du fait de juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas. A'oudou billah. يقول الشيخ ربيع حفظه الله هذه غاية الدين الحقيقية فالتوحيد والصلاة والزكاة والجهاد وغيرها من أمور الدين تصبح وسائل لتحقيق هذه الغاية عند المودود وهات الأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن المودود فإن عجزت فلا تخجل من أن تقول صدق هذا المسكين الضعيف ربيع بن هادي ونصح للإسلام والمسلمين ووضع الأمور في نصابها إيكوت لبغول لنبل بغول ديال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى Ça, c'est le but de la religion véridique. Le monothéisme, la prière, la zakat, le jihad et tous les sujets de la religion devient un moyen pour accomplir ce but chez le Maudoudi, c'est-à-dire arriver au pouvoir. Que le monothéisme, tout ça, c'est pour arriver au pouvoir, tout simplement. Et il dit al-Baqawi, hafidhahullah ta'ala, dans son page, ramène les preuves claires du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète, alayhi sallam, à la place du Maudoudi. Pour prouver ce qu'il dit, que le but de la religion véridique, c'est d'avoir un pouvoir et d'accomplir le khilafa. Et si tu es incapable de le ramener, n'aie pas honte de dire que ce pauvre et ce faible Rabi al-Madkhali bin Hadi a conseillé à l'islam et aux musulmans et il a mis les choses à leur place. Vous avez des sons, Akhi. Wastami' ila al-mawdoudi yaqul Hada huwa al-gharadu alladhi min ajlihi furidat al-salah wal-sawmu wal-zakatu wal-hajju fil-islam walaysa ma'na tasmiyatuha bil-ibadat annaha hiya al-ibada hiya al-ibadat bal ma'nahu أنها تعد الإنسان للعبادة الأصلية وهي دورة تدريبية لازمة لها ما هي العبادة الأصلية عند المودود وتبعه الزعامة والقيادة والرئاسة والإمامة فعند المودود وأمثال العبادات تدريبات العبادات الأصلية العبادة الأصلية هي الزعامة والقيادة والحكم écoutez maintenant ces calamités que refute Cheikh Rabi il les rappelle al-Barqawi alias al-Maqdisi la tête des Tkfiri du monde moderne il dit écoute maintenant ce que dit le Maudoudi ça c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala pour lequel a été rendu obligatoire la prière le jeûne, la zakat, le pèlerinage dans l'islam et c'est pas parce qu'on les appelle des adorations que c'est elles que c'est ça les adorations Mais ça veut dire qu'elle prépare l'être humain à l'adoration principale et à l'adoration de base. C'est quoi l'adoration de base? C'est le gouvernorat, le commandement, le khilafa. Et ces adorations sont un séminaire éducatif qui sont obligatoires pour passer au pouvoir, pour arriver au pouvoir. Maintenant, tes prières, frère Allah, Azzawajal, ton jeûne, ta zakat, ton hajj, ce n'est qu'un séminaire de formation pour arriver à la prière principale qui est le pouvoir et le gouvernorat. C'est comme ça, frère en Allah, Azza wa Jal, c'est le Maudoudi, ceux qui le suivent sur sa voie. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa yaqulu aydan, innakum tadhunnuna anna al-wukuf muttajihan ila al-qibla, wadhi'an liyad al-yumna, على اليد اليسرى والركوع معتمدا على الركبة والسجود على الأرض وقراءة الكلمات المعدودات وهذه الأفعال والحركات هي العبادة في ذاتها وتظنون أن الصوم من أول رمضان إلى أول شوال والجوع والعطش من الصباح إلى المساء هو العبادة وتظنون أن تلاوة عدة آيات من القرآن هي العبادة، وتظنون أن الطواف حول الكعبة عبادة، وبالجملة فإنكم قد سميتم ظواهر بعض الأعمال عبادة. وعندما يقوم شخص بأداء هذه الأفعال بأشكالها وصورها تظنون أنه قد عبد الله، والحق أن العبادة التي خلقكم الله من أجلها والتي أمركم بأدائها هي شيء آخر. Si vous dites pas si frère en Allah Azza wa Jalla, c'est vous, parce que ce que vous allez entendre, hein? Il dit, Cheikh Rabi' cite des passages dans les paroles de Cheikh de Maudoudi, rahimahullah. Et des passages qui sont énormes. Et il dit, pour le rappeler Al-Barqawi, alias Al-Maqdisi, ses disciples, vous croyez que le fait d'être debout en direction de la Qibla, en mettant votre main droite sur la main gauche, et en faisant votre inclinaison, en mettant vos mains, en allant vers la prosternation sur terre, et en lisant ces paroles, ces quelques paroles que vous lisez, et ces actes et ces mouvements, c'est ça l'adoration en elle-même? Vous croyez que c'est ça l'adoration? Et vous croyez que le fait de jeûner du début du mois de Ramadan jusqu'au début du mois de Shawwal, et que la faim et la soif que vous subissez du matin au soir, c'est ça l'adoration? Et vous croyez que le fait de lire quelques versets min al-Qur'an, c'est ça l'adoration? Et vous croyez que tawaf autour de la Kaaba, c'est ça l'adoration? Et en général, il dit, vous avez appelé des apparences d'actes, des apparences de certains actes, adoration. Et quand quelqu'un accomplit ces actes, dans leur apparence et dans, vous croyez qu'il a adoré Allah. Et il dit, la vérité, c'est que l'adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a créé, c'est autre chose. C'est quoi cette chose, frère en Allah, Azza wa Jal, tu le sais? Hein? Fasami'tum qawla hadha ar-rajul. Ja'ala al-ghayata wasila. Wa arkan al-islam inda ha'ulai ma hiya illa wasa'il. Litahqiqi mas'alati al-masa'il wal-wusul ila al-sulta. ماذا تقولون أيها الإخوة في هذا الكلام؟ أليس هذا قلب للأمور؟ فأن ترى الكثير من هؤلاء يبغضون أهل السنة وعلماءهم ولا ينصفونهم كشأن هذا البرقاوي وأمثاله مع الشيخ ربيع والآخرين مع محدث العصر العلامة الألباني وغيرهم من أئمة السنة، وهذا من الظلم والعدوان الذي ابتلي به أهل الأهواء والبدع. Vous avez entendu ces paroles, frère en Allah, Azza wa Jal. Ils ont vu le but, ils l'ont rendu moyen, et le moyen l'ont rendu un but. Ils ont fait des piliers de l'islam un moyen pour accomplir la base des bases qui est le pouvoir. Qu'est-ce que vous dites, vous, de tout ça? Est-ce que ça, ce n'est pas le fait de renverser les situations? Tu vois que beaucoup parmi ces gens-là détestent les gens de la sunna, et les hommes de science de la sunna, et les hommes de science salafi, ils ne sont pas équitables avec eux. Comme la situation de Sobarqawi alias al-Maqdisi. Comme il fait avec Cheikh Rabi', et comme le font ses disciples avec Cheikh Rabi', et comme ils l'ont fait avec le muhaddith du siècle, Cheikh al-Albani rahimahullah, et avec Cheikh Ibn Baz, et avec Cheikh al-Utaymin, et avec les imams de la communauté. Et ça, c'est une grande injustice avec laquelle sont éprouvés les gens de l'innovation et ceux qui et les gens qui suivent leur passion. سمعتم عبارة المودود إخوة الإسلام لكي تتيقنوا مدى مخالفته لمنهج الأنبياء تأمل هذه السخرية من أركان الإسلام. أركان الإسلام عند هؤلاء دورة تدريبية. من يحتمل هذا الكلام الفارغ الباطل؟ يجب على كل مسلم يحترم الإسلام أن يرده. من هنا يأتي تحذير العلماء من كتب المودود وسرور والغزالي والقرضاوي والبرقاوي والترابي والقرني وسلمان والحوالي وسيد قطب ومحمد قطب وطارق رمضان وهاني رمضان وكويسان، واللائحة طويلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، أن يريح المسلمين من شرورهم. Vous avez entendu ces expressions d'El Moudoudi pour que vous ayez la certitude que cet homme et combien ses disciples sont en divergence avec la voie du prophète alayhi salam. Vous avez médité cette négligence et cette moquerie des piliers de l'islam. Les piliers de l'islam, ces gens-là sont devenus un séminaire de formation. Qui peut supporter ces paroles nulles et non avenantes? Il appartient à tout musulman qui respecte son islam de refuter ces paroles. De là t'apparaît la nécessité, hein, et la clarté et la véracité et de l'avertissement des hommes de science du livre de Al-Mawdoudi et de Sorour et de Al-Ghazali et de Al-Qaradawi et de Al-Barqawi et de Al-Turabi, Al-Qarni, Salman et Safar et Sayyid Qutb, Mohamed Qutb, Tariq Ramadan, Hani Ramadan, Kwisani, la liste est longue, il n'en finit pas. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى للبرقاوي: أيسرك هذا الأسلوب الساخر؟ أيسرك هذا الأسلوب الساخر من أركان الإسلام العظام ومن المتعبدين بها؟ هذه ليست عبادات خلق الناس من أجلها في نظر المودود إخوة الإسلام، بل العبادة التي خلقوا من أجلها وأمروا بأدائها شيء آخر. أتدين الله بهذا أيها البرقاوي؟ أن العبادات عبارة عن دورة تدريبية، إن احترامها إلى آخره. هذا شيء نص عليه القرآن والسنة وجاء به الأنبياء ودان به سادة الأمة. Et Cheikh Rabi'i de rappeler alors de l'Barqawi alias al-Maqdisi lui dit: est-ce que ce style te réjouit? Ce style moqueur des piliers de l'islam te réjouit? Est-ce que cette moquerie des piliers de l'islam et de ceux qui se rapprochent de Allah subhanahu wa ta'ala avec ces piliers, ça te plaît cette moquerie? Ces piliers de l'islam, il lui dit, ce ne sont pas une adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens aux yeux du Mawdoudi, mais que l'adoration c'est autre chose. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a ordonné c'est autre chose? Et il le rappelle alors, il lui dit: est-ce que toi tu prends la même religion que le Barqawi et tu prends cette même voie que le Mawdoudi, toi le Barqawi, et que ces adorations ce n'est tout simplement qu'un séminaire de formation? Est-ce qu'il lui dit, est-ce que ça c'est quelque chose qui est cité dans le Coran et dans Sunna et qui a été transmis par les prophètes et que les meilleurs et les plus nobles de la communauté ont mis en application? ويقول له الشيخ حفظه الله تعالى: إن كنت توافق المودود فهات الأدلة نيابة عنه وإلا فعليك أن تعض على أناملك ندما وحسرة إذ خذلت الحق وتجنيت عاهله وأنصرت الباطل. Il lui dit, Cheikh Rabi' de lui dire: si tu es d'accord avec le Maudoudi, ramène les preuves à la place du Maudoudi. Sinon, tu dois te mordre les doigts et tu dois regretter le fait que tu veux faiblir la vérité et que tu as accusé les gens de la vérité et tu y as fait triompher le faux et les gens du faux. ذلك يا اخي ما ناقشت فيه المودودي ونقلت فيه كلام شيخ الاسلام فيما يتعلق بغلو الروافض في الامامه وما نقلته عنه كله مناسب لا بعضه كما ادعى البرقاوي فان كنت ايها البرقاوي محقا فلماذا لم تبين المناسب من كلام شيخ الاسلام من غير المناسب. Et Cheikh Rabi' Hafidallah Ta'ala d'attirer l'attention lui dit: c'est ça, frère, sur quoi j'ai débattu avec le Maudoudi. Et j'ai rapporté les paroles du Cheikh l'Islam d'Ibn Taymiyyah en ce qui concerne le point extrême où sont allés Rafida dans l'imama. Et tout ce que j'ai rapporté d'Ibn Taymiyyah, il correspond à la voie sur laquelle est-il maududi, et non pas une certaine partie correspond et l'autre partie ne correspond pas, comme le prétend le Barqawi. Et si tu es véridique, ô toi le Barqawi alias le Maqdisi, pourquoi tu ne nous éclaires pas, tu ne nous ramènes pas l'éclaircissement adéquat de la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de nous montrer la parole qui correspond et la parole qui ne correspond pas. وتعلمون إخوة الإسلام أن هذه الإمامة التي دندن حولها المودودي ومن شاك له أصلها عقيدة الروافض في الأئمة 12 وأن الروافض يرون أن هؤلاء الأئمة معصومون بل يرون أنهم أفضل من الأنبياء هذا هو دين الرافضة وهذه هي حقيقتهم ويأتيك المودودي ويلمع لك هذا الأمر ويأخذ عنه سيد قطب ويجعله في قالب الحاكمية. Et vous savez, frère, on a Allah Azza wa Jal, que l'imama autour de laquelle parle le Maududi et ceux qui sont sur la même voie que lui et qui sont comme lui, c'est l'origine des croyances des Rafida dans leurs 12 imams. Les Rafida voient que les 12 imams sont mieux que les prophètes alayhi wa sallam, qu'ils ne tombent pas dans l'erreur. Et ça, c'est la religion des Rafida et c'est leur réalité. Et cet imama a été prise par Sayyid Qutb, transformée, recolorée, et il est sorti à la jeunesse avec le terme d'Al-Hakimiyya. ويقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فأما العصمة لأئمة الاثنى عشر فلم أنسبها للمودود ولم أناقش فيها ولم أنقل شيئا في ذلك من كلام شيخ الإسلام فكلامك يتنافى تماما مع ميزانك المعتدل وإنصافك الذي نصبت نفسك للقيام به بين سيد قطب والدويش ولا أدري ماذا فعلت إيه شيخ ربيع دو غابلي البرقاوي الياس المقدسي que l'Isma des 12 imams, je ne l'ai pas attribué à Al-Maududi et je n'ai même pas débattu avec lui sur le fait que les deux imams soient épargnés de l'erreur. Ils ne font pas d'erreur, ils sont exemples de l'erreur. Et je n'ai rien pris des paroles du Cheikh l'Islam de Taymiyyah concernant ce point-là. Et donc tes paroles sont en contradiction avec ton titre qui est la balance de la justice. Et la justice que tu voulais accomplir entre Sayyid Qutb et Douish, je ne sais pas ce que t'en as fait et comment tu as pu accomplir cette justice. Fa mizan al-i'tidal lil-Barqawi hadha alladhi radda fihi 'ala al-Hafid Abdullah Douish. والحافظ عبد الله الدويش كما مر معنا من علماء بريضة في القصيم مات رحمه الله شابا طريا دون الأربعين وهذا الرجل كان فذا وحافظا ومربيا فاضلا وكان يبغض الحزبيين ويرد عليهم وانبر هذا الحافظ لكتاب ظلال القرآن وأخرج ما فيه من الأخطاء والطوام وسطره في كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال وبين فيه عقيدة السلف وما كان هذا الكتاب ليعجب البرقاوي وأمثاله من حامل راية القطبية والتكفير في هذه الأيام. Donc le livre Mise à l'Ihtidal, la balance de la justice de البرقاوي alias المقدسي, dans lequel il a répliqué الحافظ Abdullah Douish, qui est un des savants de Bouraïda, Al-Qasim, qui est mort à la fleur de son âge, il n'a pas atteint encore la quarantaine. Et cet homme était unique à notre époque. Il avait mémorisé les 6 livres, comme il est passé par nous. Les 6 livres de la Sunna, et à la fin de sa vie, il était en train de mémoriser le Mousnad d'Al Imam Ahmed. C'était un mémorisateur et un grand éducateur. Et en plus de ça, il détestait les Hizbis. Il répliquait aux Hizbis. Et cet homme s'est penché sur, c'est le premier qui s'est penché sur l'interprétation du Coran de Sayyid Qutb, et il a sorti les catastrophes au niveau du dogme qu'il y avait dans ce livre. Et il les a réunis, il a répliqué à certaines catastrophes dans le dogme, dans son livre Mawrid Zulal, qui attire l'attention sur les erreurs d'Yal Zilal. Et il nous a montré dans ce livre le dogme et les croyances d'Yal Salaf. Et il est évidemment, un livre comme ce livre d'Yal Hafid, ne plaît pas le Barqawi alias le Maqdisi et hein, les gens comme lui qui portent le drapeau de la Qutbiyya et du Takfir à notre époque, évident qu'ils ne l'aiment pas et qu'ils le détestent et qu'ils le refutent et qu'ils cherchent tous les moyens pour le dénigrer. فميزان فبميزان الاعتدال أراد هذا التكفير أن يرد على الحافظ وأن يحكم بين الحافظ الدويش وسيد قطب يريد القيام بمحاكمة بين عالم سلفي جليل وحافظ بارع وأديب ضائع في العقيدة وفي طريقه مر على الشيخ ربيع وكذب عليه وما نصفه ولذا عقب عليه الشيخ ربيع كما سمعتم في هذه المقدمة وإنصافك الذي نصبت القيام به بين سيد والدويش ما أدري ماذا فعلت وبالجزم أن البرقاوي ما نصفه ما كان لينصف الدويش ولا الشيخ ربيع ولا أي سلفي يتمسك بمنهج السلف دونك هاد لا بالونس دو لا جوستيس سو تكفيري كي المقدسي فولي ريبليكي افيك الحافظ عبد الله الدويش Il voulait, il s'est mis comme juge entre Abdullah Douish et Sayyid Qutb. Il s'est mis à être juge entre un savant salafi, un noble savant salafi, mémorisateur de notre siècle, et excellent savant, et un littéraire qui est perdu dans l'aqida. Et sur le chemin dans son livre, il est passé, il a commencé à émettre des mensonges sur Cheikh Rabi'. Il n'a pas été équitable, ni avec le Hafid, ni avec Cheikh Rabi'. C'est pour ça que Cheikh Rabi'. On parle dans cette introduction à son livre. Et il dit, est-ce que c'est ça ta justice? Tu t'es mis comme justicier entre Sayyid Qutb et Douish? Où est ta justice? Je ne sais pas ce que tu as fait avec ta justice. Il est évident que le Barqawi alias al-Maqdisi ne pouvait pas être équitable ni avec Douish, rahimahullah, avec Abdullah Douish, le mémorisateur, ni avec Cheikh Rabi, ni avec Cheikh Ubaid, ni avec aucun homme de science, c'est la vie. Qui se cramponne à la voix de ses plus aïeuls et qui défend la voix de ses plus aïeuls. Fahad al-Barqawi, min kibari al-takfiriyin wa ghulatihim, wa min al-muta'athirin bi afkar Sayyid Qutb, wa alladhina yanshurunaha fi al-alam abra al-internet wa al-kutub wa al-rasa'il, wa la yuntadharu min mithl hadha, an yunsif al-Sheikh Rabi' wa la al-Sheikh Douish wa amtaluhuma min ulama'i al-sunna wa al-athar. وهذا نستفيد منه أن الذي ينبري إلى المحاكمة بين اثنين أنه لا يجوز له أن يتعصب لأحدهما وإنما التعصب للحق وعلى الحق Et donc, ce Barqawi alias al-Maqdisi, c'est l'une des grandes figures du Takfir à notre époque. Un extrémiste dans le Takfir qui est très touché par les pensées de Sayyid Qutb. Et qui propage les pensées de Sayyid Qutb à travers le monde, que ce soit par internet, par ses livres. Et il ne faut pas s'attendre de quelqu'un comme le Maqdisi qu'il soit équitable avec Cheikh Rabi' ou là avec Cheikh Abdullah Douish ou avec d'autres hommes de science. Et nous, on doit retenir une chose ici, c'est que celui qui veut se mettre comme justicier entre deux ne doit pas se pencher vers l'un. Mais il doit se pencher vers la vérité et pour la vérité. ففي هذه المقدمة مثل الشيخ ربيع بالمودودي كمثال واضح لمخالفته لدعوة الأنبياء. فالأنبياء دعوا إلى التوحيد داخل الإسلام ونبذ الشرك. وسمعتم مسألة المسائل عند المودودي. فهؤلاء ومن شاكلهم يدعون إلى التنظيم والتكتيل من أجل السطو على الحكم وصوروا للناس أن الدين يدعو إلى هذا ودين الله بريء من هذا. فالحاكمية التي يدندنون حولها تفرض عليهم أن يحكموا شرع الله في عقائدهم ومناهجهم إخوة الإسلام. Dans cette introduction, Cheikh Rabi' nous a donné un exemple avec le Moudoudi. Cet exemple est clair. Cet homme est un exemple clair dans sa da'wa, que sa da'wa est en divergence avec les prophètes alayhim sallatou wassalam. Car les prophètes alayhim sallatou wassalam ont appelé vers le monothéisme et vers le fait de donner le dôme à l'associationnisme. Et vous avez entendu que le sujet principal, c'est le Moudoudi, c'est le pouvoir. Et ceux qui sont comme le Moudoudi, pour eux, si le pouvoir est arrivé à le pouvoir, l'organisation se rassemblait pour prendre le pouvoir. et pour créer des perturbations dans la société, pour donner l'image aux gens comme quoi la religion appelle vers le fait d'accomplir le pouvoir. Et que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est naissante et il est innocente de cette hakimia autour de laquelle parlent ces hizbi. Et cette hakimia de laquelle ils parlent implique qu'ils doivent mettre en application la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs croyances et dans leurs dogmes et dans leurs voies. فيقول الشيخ ربيع فلقد اخفقت غاية الاخفاق في الانصاف بيني وبين المودودي وماذا عليك وما يضرك لو كنت قلت كلمة الحق. الشيخ ربيع dans la fin de son introduction il dit البرقاوي alias المقدسي tu étais dans l'erreur et tu n'as pas été équitable entre moi, tu n'as pas jugé avec justice entre moi et le مودودي. Et qu'est-ce que ça te fait? Quel mal ça te ferait si tu dis la parole de la vérité et tu dis la vérité? ويقول حفظه الله واما الخلافة فما ادري اقرات ما كتبته فيها ونقلته عن علماء الاسلام او تناولت الموضوع باطراف اناملك وانت مغمض عينيك ظانا ان العدل والانصاف ياتي بمثل هذه السهولة فاقرأ هذا وذاك من جديد وقل كلمة الحق مدعما بالأدلة لا بالتهويل ولا بالتهويش. Et lui dit, Cheikh Rabi' dit à Al-Maqdisi, il a khilafa, je ne sais pas, quant à la khilafa, je ne sais pas est-ce que tu as lu ce que j'ai écrit concernant la khilafa et les passages que j'ai pris des hommes de science et que j'ai mis à ce sujet-là. Ou alors, ce sujet, tu l'as touché tout simplement avec le bout de tes doigts et tes yeux étaient fermés, croyant que ainsi on accomplit la justice avec cette facilité-là. Et il lui dit, lis ça et lis ça de nouveau et dis une parole de vérité en s'appuyant sur des preuves et non pas en partant dans n'importe quel sens. ويقول له حفظه الله واما الحكم بما انزل الله فكيف تتصور انني اناقش فيه الموضوع دودي أو غيره. المعلوم من الدين بالضرورة لا ينازع فيه حتى الفرق الضالة المنحرفة فأعوذ بالله مما نسبه إلي صاحب الميزان وأقرأ مرة أخرى ما كتبته في الحاكمية وشمولها لكل أبواب الدين لترى مدى الخطأ الذي وقع فيه البرقاوي هداه الله. Il dit, Cheikh Rabi' dit à Al-Barqawi alias Al-Maqdisi, quant au fait de juger avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, comment quelqu'un peut s'imaginer que je peux débattre avec le Maududi ou avec quelqu'un d'autre? Que le fait de juger avec les lois de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'obligatoire dans cette religion. Et personne ne débat de ça et ne contredit ça, même les groupes égarés. Je me réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce que tu m'as attribué et de ce que m'a attribué l'auteur d'Yel Mizan qui est le Barqawi et il lui dit lis-le, lis encore une fois ce que j'ai écrit concernant le Hakimiya et comme quoi le Hakimiya englobe tous les chapitres de la religion pour que tu vois l'erreur et l'énorme erreur dans laquelle est tombé le Barqawi que Allah subhanahu wa ta'ala le guide. واخيرا فالمؤاخذات على المودود وامثاله كثيره لا تتسع هذه المقدمه لسردها لكثرتها. Et à la fin de Cheikh Rabi', les erreurs et les répliques à faire à al-Maududi sont nombreuses et ces erreurs sont nombreuses et cette introduction ne suffit pas pour toutes les citer. ويقول حفظه الله وخلاصتها انه من ابعد الناس عن التزام حاكميه الله في عقيدته وفقهه وفي موقفه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي موقفه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أعدائهم من الروافض، حيث يتولى هؤلاء الروافض هو وأتباعه وينصرهم ويمدحهم ويمدح طاغوتهم الخميني وتلاميذه من الآيات الرافضية. فاعرف هذا أيها القارئ الكريم، واعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، وإياك والتردي في هوة الغلو في الأشخاص، فيدفعك ذلك إلى رد الحق ومخاصمة أهله. وفق الله الأمة لحب الحق واتباعه، إن ربي لسميع الدعاء، كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي في يوم 13 شهر 6 سنة 1413 للهجرة. Il dit à la fin de son introduction, حفظه الله تعالى, et en résumé, celui qui éloigne les gens du fait de se cramponner aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le dogme et dans la jurisprudence et dans les positions avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et dans les positions à avoir avec les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, et les éloigne des oppositions, des positions véridiques qu'il faut avoir contre eux vis-à-vis des ennemis des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, qui sont rawafid et qui s'allient à ses rawafid, lui et ses disciples, et qui fait triompher ses rawafid, lui et ses disciples, et qui fait l'éloge à leur tarot qui est le Khomeini et à ses élèves parmi ce qu'on appelle ayat rafidiyya. Et il dit, sache ça, ô toi qui, le noble lecteur, et il te donne une règle, frère en Allah, Azzawajal, crampons-toi à cette règle et apprends-la par cœur. Connais les gens à travers la vérité. Il ne connaît pas la vérité à travers les hommes. Connais les hommes, frère en Allah, Azza wa Jal, à travers la vérité. Il ne connaît pas la vérité à partir des hommes. Et attention, il dit, Havidallah ta'ala, et ceci est très important. Attention, ne tombe pas sur ta tête dans l'extrémisme et dans le fait d'être attaché à l'extrême à des personnes. Ceci est situé dans l'extrême, dans totana. Ton attachement aux personnes, ça va te pousser à rejeter et à refuter la vérité et à faire la guerre aux gens de la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplisse la communauté sur l'amour de la vérité et sur l'amour de ceux qui suivent la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala entend dua et il signe, écrit par Cheikh Rabi' ibn Hadi Omar al-Madkhali le 13e jour du 6e jour de l'année lunaire 1413. فالشيخ ربيع حفظه الله تعالى مثل لك أيها الأخ الكريم بهذا الرجل، وهذا الرجل المودودي مثال واضح لمخالفة دعوة الأنبياء. فالأنبياء دعوا إلى التوحيد ودعوا إلى فراد الله سبحانه وتعالى بالعقيدة بالتوحيد بالعبادة ونفي الشرك، والمودود يقول مسألة المسائل هي الزعامة والقيادة والرئاسة والإمامة، أما الصلاة والحج والصيام فهي عند المودود فقط دورات تدريبية من أجل العبادة الأصلية. فهؤلاء يدعون إلى التنظيم وإلى السطو على الأحكام وإلى الثورات ضد الحكام. Donc Cheikh Rabi' nous a donné un exemple avec cet homme, un exemple clair. Cet homme est en divergence avec la voie du prophète alayhi salam. Sa da'wa est en divergence avec la da'wa du prophète alayhi salam, qui est une da'wa qui appelle vers le monothéisme, vers le fait de combattre l'associationnisme. Alors que le Maududi te dit, le sujet du sujet dans la religion, c'est le pouvoir, c'est le fait de prendre le pouvoir, c'est l'imam quant à la prière, contre le jeûne, contre à l'aumône. Et contre pèlerinage, tout ça, ce n'est qu'un séminaire de formation pour arriver à l'adoration principale qui est le pouvoir. Ces gens-là appellent vers une organisation. Ces gens-là appellent vers le fait de se révolter et de prendre le pouvoir. Leur seul souci, c'est le pouvoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège, mon frère. Et sache de qui tu prends ta religion. Et sache ce qui se trame derrière le parole. Et sache de mettre en application cette parole de tes puzzles, qui est le fait de connaître les hommes à partir de la vérité, et que tu ne connaisses pas la vérité à travers les hommes, frère en Allah Azza wa Jal,